Les débats. Pas de radio, mais pas d'insultes. De Gérard. Donc, on récupère Seba 20 ans de la poupe sur mer où qu'on peut écouter Fun Radio sur 114.9. 101.9. Ah, 101.9. Ah ouais. 101.9, tu te fous de moi là, toi? Non, non, mais tu t'es trompé, c'est pas grave. Non, mais c'est ce qu'on m'a donné au standard, c'est pas grave. Christiane, 40 ans de Saint-Malo, on peut écouter Fun Radio sur 51.9. Ok, d'accord. Ok, c'est 91.8, pardon. Oh, c'est quoi là, votre boulot de merde là? Bah pourquoi? Punaise, hein. Mais dans quel sens, merde? Jouer, Roberto, 25 ans, Juillet en Josas, on écoute Fun Radio sur 101.9. Exactement, salut Gérard. Salut Alain, 20 ans de Paris, donc même fréquence, 101.9. Exactement, Gérard. Donc on va commencer tout de suite le thème des. On va demander juste, moi je vais demander à Fildar. Tu peux faire l'AREA et s'adobe, je reste au standard, c'est Manu qui va. Oh, mais j'y vais. Alors, Manu, tu vas au standard. Manu, Fildar, tu restes au standard et Manu, tu fais un peu l'AREA. Ouais, j'ai foutu la merde. Dès qu'il y a un pain, je vous le dis tout de suite, moi. On arrête tout. Non, mais je vous le dis. Enfin, ultimatum, c'était bon, 8h pile, à 8h pile en attaque. Allez, allez. Donc, première question, dans quel restaurant emmenez-vous votre copine? Oh, vous vous réveillez là, Oh, pardon, c'est moi, pardon. Eh, tu vas pas commencer, toi, là-bas. Excusez-moi. Ils sont nuls, vraiment. Alors, dans quel restaurant emmenez-vous votre copine? Alors, Christine. Oui. Au McDonald's. D'accord. Pas de marque ou... Faut pas citer de marque, d'accord, ah, merci. Quick, alors. C'est pareil. Fais gaffe, bah non, Christiane. Fais gaffe, Roberto. Et je t'emmène où tu veux, dis-moi, on y va. D'accord. Alain. Supermarché. D'accord. Et Seba? Tout à l'heure, je vais te faire barreux, tu vas. Attends, je viens de me lever. Ouais, ben, tu viens de te lever, il est 8h du matin, quand même, tu pourrais te réveiller plus vite. Ah, hein. Mais bon, attends. Oh, tu réponds ou pas? Ouais, je t'emmène restaurant exotique. Bon, tu sais qui s'amuse, là? Oh, allô, vous répondez ou quoi, là? Ouais, super. Ouais, d'accord. Si je vous dis, avez-vous déjà mangé dans un resto chinois? Non, jamais. Qui, non? Manu. Oh, mais vous répondez, là? Ouais, mais je suis là. Bon, toi, tu t'écrases d'abord, tu me laisses des gens. Okay. Seba. Alors, restaurant chinois, ouais, j'adore, ouais. Tu sais, tout ce qui est poulpe, tout ce qui est riz. Mm-hmm. Je te fais tous les menus ou pas? Non, pas besoin. Il y a du jambon aussi, de temps en temps. Bon, ben, c'est bon. Question suivante. Christiane. On enchaîne. Je connais pas la bouffe chinoise. D'accord. Roberto. J'adore ça. Tout ce qui est un peu brésilien aussi, j'aime beaucoup cette nourriture exotique. D'accord. Alain? Ouais, j'y suis allé pas mal de fois. D'accord. Et si je vous dis, que faites-vous après une soirée au resto? Resto. Allô? Allô? Allô? Tu fais ton débat, s'il te plaît? Je suis toujours. Ouais. Alain. Alors, moi, je bois un digestif. Il est en train de faire le con, là, depuis tout à l'heure. Je comprends pas. Alain. Je sais pas. Oui. Alors. Vous réveillez ou quoi, là? Allô. Oh, tu te réveilles? Tu te réveilles? Allô. Ouais. Allô, Alain. Un digestif. Le matin, les gens, comment voulez-vous? Allô, Alain. C'est n'importe quoi le débat, Gérard, là. C'est pas organisé. Non, mais attends. T'es zéro. Oh, je vous ai demandé de réveiller les mecs. Ils sont à moitié endormis, la bande de cons. Attends, ils sont pas réveillés, alors tout est, toi. Attends, à 5h30, on était chez tous les auditeurs, on les a réveillés. Ouais, c'est ça. La preuve, les mecs, ils savent même pas les questions qu'on pose. Et je regarde pas trop Manu, parce que tout à l'heure, qu'il va t'arriver des tuiles encore. Ouais, mais regarde pas trop, hein. Bon, allez. Quand même. Bon, Séba! Ton micro, allume-le, Max. Là, ils font n'importe quoi là, parce que là, il y a n'importe quoi là. C'est là. Attends, ouais, je suis là. Bon, Manu, tu raccroches ton téléphone, tu me fais chier. Tout de suite. Ouais, maintenant. Je voulais répondre à ta question. Mais t'as même pas compris qu'il était devant. Voilà, donc excusez-nous, à 8h02 du matin, quand même, pour vous expliquer, c'est que Manu s'était mis en face de lui, il faisait un auditeur, et que Gérard était juste devant et qu'il le voyait pas faire. On revient sur le débat, quand même. Alors, on en était où, là? Donc, que faites-vous après une soirée au resto? J'ai demandé à Seba, mais il va se réveiller, lui. Ouais, bah écoute, moi, ce que je fais, je dors, quoi, globalement. D'accord. Oh là là. Christiane, une fois, Christiane, deux fois. Après nous ça, au resto, je vais prendre un petit café. D'accord. Allez, Roberto, tu dis rien. Je fais ce que tu veux. C'est bizarre, d'une voix de mec, on passe à une voix de nana, c'est bien ça. Mais Alain. Alain. Je vais nager. Bon, Alain, bonne journée à toi. Bonne journée. journée, Alain. Allez, hop, au revoir. Et que préférez-vous danser dans un resto ou discothèque? Sébastien. Ça arrive aux belles musettes. Hein? On va faire aller faire ta belle musette à côté de chez moi. Ah, il s'est allumé, je sais pas pourquoi. Il y a la double voix. Arrête! 8h04, quand même, que je vous explique, c'est qu'il y a Manu qui s'amusait à faire la double voix, et du coup, il y a Gérard qui s'en est aperçu, qui a commencé à lui taper dessus. Donc, ce matin, on peut dire que c'est relativement violent, c'est normal, hein. On a envie de plaisanter un petit peu aujourd'hui, on a envie donc, de plaisanter. Mais Gérard, tes questions, tu réponds pas tellement, hein. C'est un peu... Alain, je suis très déçu du débat. Gérard, quoi. Alain, je viens de poser une question, tu réponds. Tu l'as viré, Alain. Alors Alain, bah oui, tu l'as viré. Alors Roberto. Il reste une place de libre pour les filles, s'il vous plaît, au 0870 5000, si vous voulez participer au débat de GG. J'imagine de l'autre côté de la radio à 8h, t'es dans ta caisse, t'entends un truc pareil, tu te dis c'est la révolution, hein. Allez, on continue, Gérard, on se réveille. Roberto. Allô, c'est Sylvie. Répète. Bon, arrête Manu, tu sors. Non, pas taper. Alors vas-y. Roberto. Est-ce que tu peux répéter la question? Préférez-vous danser dans un resto ou disco? Mais pourquoi? Oh là là. Arrête. Bon, Manu, tu sors des minutes. Manu, tu dégages. Manu, tu sors du studio. Parce que là, ça commence à... Rigo, tu prends la place ou Olivier à la pro? Olivier, on le met à l'arrière. Non, peut-être pas. Non. Roberto. Non, lui, toi, tu dégages. Non, tu dégages. Non, tu sors. Non, vous c'est carotté, hop, il dégage aussi. Allez, hop, t'as terminé. Non, il dégage, je suis carotté. Le matin, on va pas non plus faire du gore. 8h05, tu me dégages, je suis carotté. Ouais, c'est fait. C'est-à-dire Arnette, là. Mélanie, on a Mélanie de Brest qui t'aime. Oui, mec, salut Gérard. Salut Mélanie. Oui. Alors. Oui, vas-y. Donc, je répète la question. Préférez-vous danser dans un resto ou discothèque? Alors, comme tu viens d'arriver, on va te demander à toi. Oui, discothèque. D'accord. Discothèque, d'accord. Roberto. Discothèque, sans aucun doute. Discothèque, sans aucun doute, d'accord. Ok, Christiane. Elle est partie, bah tant mieux. Voilà, et ouais. Seba, pour finir. Discothèque. Il y a Manu qui est rentré dans le studio. Maintenant, on va finir la radio, on va faire ça correctement. Maintenant, pour que les gens qui écoutent la radio, là, on termine vite fait ce débat pour conclure. Alors, on en est où encore? Parce que là, les questions, j'ai jamais vu des questions. Les questions étaient posées rapidement. Les auditeurs n'ont même pas le temps d'y répondre. Toi, on n'entend jamais tes réponses à tes questions. Et en plus de ça, t'es super énervé, Gérard. C'est dommage. Alors, moi, à 8h05, c'est dommage. Déjà, je préfère. Non mais attendez, excusez-nous auditeurs, parce que là il y a Gérard qui est parti en courant dans les couloirs pour aller choper le Manu pour lui taper dessus. Donc ça suffit. Non, maintenant il sort, il ne rentre plus dans le studio. On termine convenablement ce studio. Allez, encore. Donc on termine ce débat convenablement. Allez, on y va. Alors c'est trash ce matin, c'est bon, ça fait du bien. La dernière, c'était laquelle? La dernière question. Oui, Mélanie. Oui. Donc toi tu m'as dit quoi? Disco. Ouais. D'accord. Mais Roberto. Bon, voilà. Bon, Roberto, bonne journée à toi. Allez, Roberto, au revoir, bonne journée. Et enfin, pour ta vidéo. Seba. T'avais dit discothèque, putain. D'accord. Bah, ouais, c'est vrai. Ouais, on dit pas putain, s'il te plaît. Bah, réveillé en plus. Bah, ouais. Ouais, t'as entendu ce que je viens de te dire? Quoi? On dit pas putain. Ok. Ok, bon, alors, en de bon entendeur, salut, hein. Ah non, bah non, il va plus arrêter qu'une, là. C'est bien le matin, l'autre, il fait un débat, il y a 4 auditeurs, 10 minutes après, il y a plus personne sur l'antenne, il est énervé, le GG. Bon. Donc, alors... dernière question pour ce qui reste, je sais pas qui c'est qui. Ouais, il reste plus qu'une ou deux, hein, donc. Tu préfères aller en disco ou je sais pas quoi, là? Occupe-toi de ton standard, tu me fais pas chier. Bah ouais, c'est... Occupe-toi de ton standard, là. Ah bah c'est vrai. Alors, vite pour conclure, Gérard, toi de... Donc, moi, la question 7, c'est en disco. Ouais. La question 5, c'est que faites-vous après une soirée au resto? Ben, moi, je vais dormir. D'accord. La 3, donc, j'aime pas la cuisine chinoise, donc j'y vais pas. Mm-hmm. Et la une, ben, j'invite toujours, c'est moi qui amène toujours ma copine au restaurant. Oh là là! Voilà. C'est lui qui l'emmène, c'est pas dit que c'est lui qui l'invite. Attention, c'est pas la même chose. Entre inviter et emmener, c'est quand même pas la même chose. 8h08 du matin, Gérard, en conclusion de ce débat, qu'est-ce que tu peux dire de ce débat, qui était le dernier de cette saison? Ben, disons, c'est toujours pareil, c'est comme tous les lundis, c'est toujours le bordel avec ces deux classes! Non, mais sors, vas-y, lance-lui, Attends qu'ils reviennent un petit peu. 8h08 du matin. Oh là là. Quelle ambiance, on se jette des trucs en plein milieu de la figure. C'est ça aussi l'ambiance du Star System et la Star System Family. Voici tout.